d'où il mane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 juillet 2020. Voici les grands titres de cette édition. Le Premier ministre se dit satisfait de l'affluence constatée dans la campagne de dépistage du coronavirus commencée ce lundi. Alain Guillaume Wunyoni demande à la population d'éviter des rassemblements inutiles. Il a fait le déplacement aujourd'hui au terrain de l'ETS Kamenge, un des centres de dépistage identifiés. Même si l'administration déclare que la cohabitation est bonne entre militants de différents partis politiques en commune Kirimba de la province Ngozi, le représentant provincial du parti CNL rétorque en disant que le harcèlement de leurs militants continue. Correspondance dès le début de ce journal. Et dans la chronique santé, Dr Elie Mopera nous expliquera ce que c'est que la maladie de la peau dite vitiligo. Bonne cohabitation des militants de différents partis politiques actuellement en commune Kirimba de la province Ngozi. Déclaration de l'administrateur de cette commune qui parle d'une période de paix comparativement à celle d'avant les dernières élections. Affirmation réfutée par Jonas Naïmana, représentant provincial du parti CNL. Pour lui, le harcèlement allant jusqu'à l'emprisonnement des militants de sa formation politique continue. Apollinaire Bozagara. Selon l'administrateur de la commune Kirimba, Stanley Niyonzima, un beau climat d'entente règne actuellement dans sa commune entre les militants des partis politiques. D'après lui, personne n'est victime ni de ses opinions, ni de sa formation politique. Tous vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes sans être inquiétés, comparativement à la période préélectorale d'avant le 20 mai dernier, annonce l'administrateur Stanley Niyonzima. Faux, rétorque Jonas Nahimana, représentant provincial du parti CNL. Les militants de cette formation politique ne cessent d'être harcelés. Ils sont injustement, selon lui, arrêtés et emprisonnés, surtout ceux des collines Chiri et Ruham. Plus de 112 CNL sont locataires des différents cachots et prisons, et cela jusqu'à la semaine dernière, déplore-t-il. Il y en a d'autres qui ne dorment plus chez eux à cause des informations faisant état de l'existence de leur mandat d'arrêt, et même des amendes sont frappées à l'endroit de leurs militants, ajoute le représentant de ce parti Angoz. Malgré cela, il salue le pas déjà franchi dans d'autres communes et demande par conséquent à la commune Kirimba de se ressaisir, car selon Jonas Nahimana, la vie de la population doit continuer après les élections. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Merci Apollinaire. La direction générale de l'Office de transport en commun, Otraco, indique que souvent elle prolonge le délai d'attente du retrait du carnet de bord sécurisé. Cette direction reconnaît le retard dans l'octroi de ce document, mais s'y penche pour trouver des solutions. Monfort Ndagijimana, directeur général AI, appelle la police de sécurité routière d'accepter le reçu attestant la prolongation du délai de retrait de ce document. On l'écoute. C'est un problème sérieux que nous avons déjà confronté. D'abord, l'Otraco s'excuse auprès de sa clientèle pour les délais assez longs qui se sont passés pour la délivrance du certificat de contrôle technique. Parce que bon, nous sommes en train d'implémenter un nouveau projet. Comme tous les nouveaux projets, il y a toujours des difficultés au départ. Nous espérons résoudre très rapidement les points de difficulté qu'on a déjà identifiés avec notre partenaire pour rendre le système fluide. Alors, le reçu qu'on donne au client quand il vient demander son contrôle technique dure normalement 14 jours. Avant, c'était 7 jours, on a allongé pour 14 jours. S'il advient que dans les 14 jours, le document n'est pas encore délivré, on fait tout pour le faire sortir de notre système. Et si ce n'est pas faisable dans la même journée, on prolonge à la validité de ce reçu. Mais cette façon de faire la prolongation n'est pas notre objectif. Notre objectif est que le client puisse avoir ses documents dans les délais. Nous sommes en train de nous battre à l'interne pour arriver à délivrer le document dans moins d'une semaine. Notre objectif interne est de 3 jours. Alors, tout est en train d'être mis en place pour réduire ces délais. D'abord, faciliter que les propriétaires des véhicules ne soient pas obligatoirement présents au moment de faire passer le véhicule au contrôle. Et puis aussi retourner dans les documents exigés pour voir ceux qui sont indispensables et ceux qui ne le sont pas pour faciliter dans la saisie où nous avons déjà observé que c'est là où il y a beaucoup de dossiers en attente dans les saisies notamment et dans la validation. Et comme ça, tout peut passer comme sur une ligne droite. Le client peut avoir son document dans moins de 3 jours. C'est notre objectif interne. Monfort Ndagijimana, directeur général AI de l'Otraco. Cette réaction intervient après les lamentations de certains transporteurs comme quoi la police de roulage n'admet pas le récit donné par l'Otraco. Les réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie affirment vivre dans la misère depuis que le gouvernement tanzanien a décidé de les rapatrier dans un délai de 5 mois. Ils dénoncent sur nos antennes des arrestations arbitraires opérées de nuit par des agents de la police locale et demandent au gouvernement burundais et tanzanien de trouver une solution concertée à ce problème. Suivez ce micro-baladeur. Nous restons ici, tout tranquille. Nous attendons la décision du gouvernement parce qu'on nous a dit que le rapatriement se fera obligatoirement dans 5 mois. Aujourd'hui, on nous force à rentrer coûte que coûte. C'est le harcèlement qui continue. Et on a même diminué la quantité de la nourriture. Il n'y a plus de marché. Tout a été détruit. Nous demandons au gouvernement burundais et tanzanien de faire respecter les droits des réfugiés. Un chargé des réfugiés est venu mercredi passé nous intimer l'ordre de nous faire inscrire sur la liste de ceux qui vont être rapatriés tout en nous rassurant que cela ne sera pas fait par force. Il a ajouté que sur la liste vont figurer 140 réfugiés et que dans 2 semaines, le marché sera fermé. De plus, une certaine personne est chargée de transfert des unités a été tabassé et par la suite enlevé, les yeux bandés. Et nous ne savons jusqu'à présent aucune de ces nouvelles. Également dans l'actualité, la constitution du Burundi dispose que certaines personnalités entrant dans les fonctions de direction du pays sont tenues de faire une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême. Celles qui sont soumises à cette obligation sont notamment le président de la République, le vice-président de la République, les premiers ministres ainsi que les membres du gouvernement. Et cela se fait lors de leur entrée en fonction et à la fin de leur fonction. Jean-Marie Mayonga. Dans l'article 94 de la Constitution du Burundi, précise une loi organique fixe un régime des indemnités et avantages du président, du vice-président, du premier ministre et des autres ministres ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale. Dans l'article 95, toujours de la Constitution du Burundi, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême. Dans le Code électoral, l'article 98 précise que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Et l'article 99, dans le cas où le candidat élu président de la République occupait une fonction publique, il est placé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats. Jean-Marie Mayonga. Et le Premier ministre burundais appelle la population à éviter de fréquenter les milieux de rassemblements inutiles. Cet appel a été lancé ce mardi lors de sa descente au site de dépistage de l'Etesca Mengue. Alain-Guillaume Wignoni apprécie positivement la façon dont la population répond à ce dépistage. On l'écoute. On voudrait donc lancer un appel à tout Burundais que, premièrement, il faut observer les mesures de prévention comme préconisées par le ministère de la Santé publique, que ce soit les mesures d'hygiène, en se lavant les mains avec du savon, que ce soit le respect de la distanciation sociale, surtout à ne pas fréquenter les lieux de travail où ils peuvent se contaminer. Là, on les appelle à ne pas fréquenter les lieux publics sans raison valable. Si ça se révèle nécessaire, on les appelle à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale pour se prévenir, car pour que ce virus soit éradiqué, les mesures de prévention s'avèrent de première nécessité. Deuxièmement, on appelle tout Burundais qui se heurte à des confusions de ne pas perdre du temps et venir se faire dépister. Pour ceux qui croient que c'est la malaria ou ceux qui avaient peur de se faire confiner, qu'ils sachent que leur vie est sans égale. On termine en souhaitant à toutes ces personnes qui sont ici ou celles qui viendront demain de toujours respecter les consignes. conseils qui leur sont donnés. S'ils sont testés positifs, de respecter les conseils des médecins et de prendre régulièrement les médicaments. C'était le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni, traduit par Aimé Richard Nyonguru. La remise des feuilles roses aux lauréats du concours national édition 2020, une activité qui se déroule dans tout le pays, a débuté avec un léger retard dans les écoles visitées ce mardi matin dans la ville de Rumonge. Un des directeurs d'école qui s'est exprimé au micro de la radio Isanganiro place l'enregistrement préalable des points obtenus à l'actif de ce retard. Jean-Pierre Misago. À 10h du matin de ce mardi, la distribution des feuilles roses aux lauréats du concours national édition 2020 n'avait pas encore commencé au lycée Rumonge, école fondamentale Rukinga 1 et 2. Nous sommes dans la ville de Rumonge. Les élèves rencontrés sur place disent attendre impatiemment ces copies qui étaient déjà disponibles à leur direction selon leur dire. Nathan Munezero, directeur de l'école fondamentale de Rukinga 2, dit avoir jugé bon l'enregistrement préalable des résultats. Nous avons jugé bon de les transcrire d'abord sur les feuilles pour que nous restions avec les points et après nous allons donner les feuilles roses aux lauréats. Ensuite, dit ce responsable scolaire, ce sera la correction proprement dite. Nous avons appelé les enseignants pour qu'ils viennent diriger ces enfants dans les classes. Ils vont les suivre lors de réclamations. Ils vont voir si réellement les réclamations sont fondées pour ces enfants. Après avoir constaté que les réclamations sont fondées, ils vont les transcrire sur les fiches de réclamation. Et après, nous allons les déposer au niveau de la direction communale. Le directeur de la province scolaire de Rumonge dit que toutes les copies sont déjà parvenues dans cette province. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Pénurie d'eau dans plusieurs localités de la commune Gihanga depuis bientôt 5 jours. Certains habitants de cette commune qui ne peuvent pas en acheter puisent l'eau sale des canaux d'irrigation ou des rivières et craignent le retour des maladies liées au manque d'hygiène devenu cyclique dans cette localité. L'administrateur de la commune Gihanga explique que des tuyaux et des vannes ont été endommagés au niveau de Manda et que les agents de la régie des eaux sont en pied d'œuvre pour les réparer. Spes Caritas Kawanyana. Au village 2 de cette commune de Gihanga, au village 6, au village 3 et dans d'autres villages, aucune goutte d'eau ne tombe dans les robinets depuis bientôt une semaine selon les habitants de ces villages. Au centre Gihanga et à Kagwema, au village d'Opé, c'est la même chose. Dans les rues, on observe beaucoup de vélos chargés de bidons à la recherche de l'eau dans les villages où il y en a encore. Un bidon de 20 litres s'achète à 300 francs jusqu'à 700 selon les témoins sur place. Au village 2, ça dépend du trajet effectué. Beaucoup d'habitants de cette commune de Gihanga disent cependant qu'ils n'ont pas assez de moyens pour acheter de l'eau chaque jour et utilisent l'eau sale des canaux d'irrigation et de la rivière Kajeke. Ces personnes s'inquiètent et craignent que les maladies des mains sales devenues cycliques dans cette localité risquent d'ajouter le drame au drame si rien n'est fait dans les meilleurs délais. L'administrateur de la commune Gihanga explique que ce manque d'eau est causé par des tuyaux d'adduction qui ont été endommagés au niveau de Manda. Léopold Ndaïsaba ajoute que les agents de la régie des eaux sont en train de réparer ces tuyaux depuis ce lundi. Spes Caritas Kabanyana, Mwanza, Radio Isanganiro. Merci Spes, on reste dans cette région pour dire que les habitants du chef-lieu de la commune Musigati ont passé la nuit de ce lundi dans une peur panique suite au coup de feu entendu vers 21h. À l'origine, les témoins sur place à Musigati indiquent qu'un certain Girukwisha Kajervé a refusé de donner sa sacoche au commissaire communal de police. C'est ainsi qu'il s'est vu roué de coups jusqu'à perdre connaissance selon la même source. Et les passants et les habitants proches ont accouru en lançant des pierres pour se venger. L'administrateur de Musigati explique qu'il a fallu que les policiers tirent en l'air pour disperser la foule. Jean Bosco Nduimana ajoute que la victime a été vite évacuée à l'hôpital de Bouanza pour des soins et que les enquêtes continuent pour connaître le coupable et le traduire en justice. Et le ministère de l'Intérieur, du Développement de la Communauté et de la Sécurité publique a lancé solennellement ce mardi le projet Tuweoneza avec pour entre autres objectifs le renforcement des capacités et l'atténuation de l'impact des aléas au niveau communautaire. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 121 millions d'euros, couvrira 11 provinces et 22 communes. Dr Gary Kony, le coordonnateur du système des Nations Unies au Burundi, a dit dans son allocution que les pertes économiques ont augmenté de plus de 150% au monde ces dernières années. Toujours en bref, le gouvernement burundais a mis en place par décret du 4 juillet 2020 un comité national de pilotage du projet de chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu. Selon ce décret, le comité a pour mission d'arrêter les orientations stratégiques du projet de chemin de fer, de valider les études de faisabilité et de définir les activités prioritaires à réaliser. Le comité est chargé aussi de s'assurer de la cohérence du projet avec la politique nationale en la matière, à veiller au respect des engagements et obligations de l'État envers avec les partenaires, recruter le cas échéant des consultants externes conformément aux procédures en vigueur au Burundi et mobiliser les financements nécessaires aux projets relatifs au chemin de fer. Ce comité de pilotage est rattaché à la présidence de la République dont le président est le chef du cabinet civil du président de la République, son vice-président étant le ministre des Transports. Le secrétariat est assuré par le ministère de l'Énergie et Mines, ainsi que d'autres 6 autres ministères membres. Radio Isanganiro, chronique santé. Le vitiligo est une maladie de la peau caractérisée par des taches blanches et que le patient ne ressent pas de douleur. Docteur Elie Mopera, dermatologue, explique que la cause n'est pas encore bien identifiée à part certains facteurs dont le stress. Il ajoute que toutes les tranches d'âge peuvent être touchées par cette maladie. Ornella Mucho. Le vitiligo est une maladie de la peau non contagieuse. Docteur Elie Mopera, dermatologue, fait savoir que cette maladie se caractérise par des taches et que ses formes et ses tailles peuvent varier. C'est une maladie qui se traduit par des taches au niveau de la peau et des muqueuses et des cheveux. Et au niveau des cheveux, on peut observer quelques mèches de cheveux blancs. Et au niveau de la peau, on va observer des troubles de la pigmentation avec une peau qui ressemble à celle des sujets de race blanche ou aux albinos, mais qui s'observe par tranches d'âge de petites portions du corps. Et si on ne consulte pas assez tôt, la maladie va continuer à s'étendre à l'ensemble du corps. Ce sont des taches qui sont relativement isolées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de grattage, de prurite, il n'y a pas de douleur associée, il n'y a pas d'irritation. Les premières taches apparaissent le plus souvent sur les mains, les bras, les pieds, le visage. Mais elles peuvent survenir sur n'importe quelle zone du corps, y compris les muqueuses. Généralement, ça touche les parties intimes au niveau des organes génitaux, mais ça va s'étendre à l'ensemble du corps de manière très désordonnée. C'est réparti de manière très symétrique au niveau des membres, du tronc, de la face et même des cheveux. Docteur Mopera précise que les causes du vitiligo ne sont pas bien connues, mais qu'il y a quelques facteurs favorisant le développement de cette maladie. Il n'y a pas de cause fixe qui soit déterminée, mais certains facteurs ont été incriminés. C'est le cas du stress. Deuxièmement, on a parlé des maladies dites auto-immunes. Les maladies auto-immunes, ce sont des maladies qui sont liées à des anticorps qui fonctionnent très mal. Et le troisième facteur qui est incriminé, c'est l'hérédité. C'est quand un parent a un caractère, il va le transmettre à sa descendance. Les groupes à risque, d'abord, tout le monde est vulnérable de la même manière par rapport à cette maladie. Mais beaucoup sont beaucoup plus exposés, ceux qui ont des antécédents familiaux similaires dans la famille. C'est-à-dire, si un parent il a eu à développer de telles lésions, c'est-à-dire sa descendance, elle est plus vulnérable par rapport aux autres catégories de la population. Le traitement et les conseils proposés pour vivre positivement avec la maladie, c'est dans la prochaine chronique santé avec le dermatologue Elie Mopera. Merci Ornella Mucho, merci docteur Elie Mopera qui nous parlait du vitiligo, cette maladie de la peau. Santé, et cette fois-ci en international, alors que la pandémie du coronavirus a fait plus de 536 000 morts dans le monde, plus de 230 scientifiques internationaux ont alerté dans une lettre lundi 6 juillet sur la transmission aérienne du COVID-19. Ils ont appelé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à reconnaître l'accumulation détection d'indices d'une propagation par l'air du Covid, recommandant par conséquent une ventilation vigoureuse des espaces publics intérieurs. Et au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a décidé de la réouverture du pays pour relancer l'économie. Les confinements partiels de Nairobi, des comtés de Mandera et Mombasa sont levés. Le 15 juillet, les vols domestiques reprendront, puis ce sera au tour des vols internationaux le 1er août. Les lieux de culte peuvent de nouveau accueillir du public dans certaines limites. Mais aux yeux des observateurs, il s'agit d'un choix risqué alors que le nombre de malades augmente fortement ces derniers jours. Pendant 3 semaines, l'évolution de l'épidémie va être suivie de près et si la situation se détériore à nouveau, Uhuru Kenyatta a prévenu qu'il faudrait reprendre le confinement. Et enfin, des pluies de grêle se sont abattues il y a quelques jours dans la région d'Oussouye en Casamance et dans le sud du Sénégal. Des toitures de maisons ont été abîmées et les habitants sont inquiets. C'est un épisode météorologique très rare dans le pays, mais qui pourrait devenir de plus en plus fréquent. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana et c'est Rick Ouimana qui vient de reprendre la relève de l'autre côté de la baie vitrée. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi.